Bonjour, voici l'éphéméride pour ce 17 décembre. Aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête au Gaël, bonne fête également au Yolande. Bon anniversaire à vous si vous êtes né un 17 décembre. C'est l'anniversaire de l'actrice Mila Jovovich. Elle est née en 1975. C'est également l'anniversaire de Arnaud Clément. Il est né en 1977. Voici le numéro 1 du jour. Ce n'est pas du sang. Nous sommes fin 2004 et le duo Garou-Michel Sardou cartonne avec le titre « La rivière de notre enfance », une chanson composée par Didier Barbelivien. Le single sera 5 fois numéro 1 des ventes en France, notamment un 17 décembre 2004. On termine par un événement le 17 décembre 1986. C'est la sortie française du film Le Nom de la Rose, un film de Jean-Jacques Hano avec Sean Connery notamment, et 5 millions d'entrées au cinéma en France. Bonne journée et à demain.